Cyprien, qu'est-ce qu'il dit? À pas de loup vers ce qui l'attend à Sentier Secret, mardi 20 février à 13h30. Et bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. 2 heures de bon rock progressif, on a plusieurs nouveautés pour vous. On a des albums récents, mais on a aussi des souvenirs pour terminer l'émission. On débute avec le groupe norvégien Motor Psycho. Motor Psycho viennent de sortir, en fait c'est sorti en 2017, l'album The Tower, un album double. Et comme j'ai reçu la semaine dernière le nouveau numéro du magazine Progressiste, c'est un magazine belge de rock progressif, numéro 91. Puis il y a des albums événements dans ça. Puis l'album, il y a Arabs in Aspic que j'aime beaucoup, Sinless Maggie. Il y a Deluge Grander, Oceanarium. On en écoutera une pièce tantôt. J'en ai déjà présenté quelques pièces. Et il y a Motor Psycho de Tower. Puis j'ai lu la chronique, ça a attiré mon attention. Et je suis allé écouter cet album-là. C'est vraiment bon, ça m'a surpris. C'est leur 22e album en carrière. Alors ils ont débuté en 1991. Et il semble qu'ils soient très populaires là-bas en Suède, là, qui font partie des albums les reconnus. En tout cas, ils ont toute une carrière, hein, mais c'est surprenant. Là. Il y a des bouts, on dirait Crosby, Stills, Nash & Young. Il y a des bouts que c'est très prog à la King Crimson, un peu comme l'album, la pièce que j'ai choisie ce soir pour vous. On aura également The Rome Project. Michel vous en a déjà présenté un extrait. Ça, c'est un projet de Vincenzo Riccia, un claviériste qui fait des albums concept là, avec comme thème les monuments de Rome. Et il y a toujours Steve Hackett qui invité sur ces albums-là, David Jackson de Van der Graaff, David Cross de King Crimson, John Hackett, le frère de Steve qui fait des flûtes, Nick Magnus, et il y a également Frank Carducci qui participe à ça. Et on aura la pièce avec celle où on a la participation de David Jackson, que j'aime bien, et on aura un deuxième deuxième demi-heure, justement une nouveauté italienne avec également la participation de David Jackson. Alors, il y a un concept autour de ça. Et on a, pour finir la première demi-heure, là, on aura, après le Rome Project, on aura un Australien, une nouveauté, Brendan Caulfield. Ça, c'est sorti là, en tout début là, de cette année. Et son album The Stillness. Et la pièce Formicidae Emilaris, mais ça c'est un peu en latin. Et justement dans le concept, mais Rome Project est en latin avec Once Were Romans, celle-là n'est pas en latin. Et Motor Psycho de la Suède, et vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Donc on débute avec ça, Motor Psycho. Thank you.

promises to men. Pray that they're not so easily riled. Pray they see concord and never go looking for fights. Pray their aim is to reconcile. We'll keep the wolves at bay. We'll make the fog less gray. We'll endure. So resist. Never succumb to fear. Love is found everywhere. Love is pure. Thank you. just a chrysalis. Rain then starts to fall. Rain then starts to fall. Rain then starts to fall. Rain then starts to fall. À découvrir sur la fabrique culturelle. C'est un travail qui, j'ai discuté avec un joaillier récemment, ça s'apparente quand même un peu à la joaillerie dans le fer, dans le sens où est-ce que c'est un travail avec du fil, tout ça. Puis, Le savoir-faire en fil de fer avec l'artiste sculpteur Claude-Olivier Gué. Holos, c'est entre 3 et 4 ans de travail, c'est 3 paires de pinces brisées à force de travailler. Donc, ma petite victoire personnelle sur l'acier chinois, peut-être. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Et de retour. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, ben, c'était un artiste australien, Brendan Caulfield, son premier album The Stillness. Et c'était la pièce Formici Dai Emilaris. Juste avant, il y avait eu The Rome Project. On aura un autre extrait dans le prochain bloc de ça. The Rome Project, cette fois-ci, c'était la contribution de David Jackson avec Vincenzo Riccia et la pièce Once Were Romans. Et il y avait également Motor Psycho qui avait débuté le bloc. C'est Motor Psycho, c'est de la Norvège et c'est leur nouvel album paru en 2017, The Tower, un album double qui est vraiment intéressant. Il y a plein de styles qui sont explorés dans ça. Puis c'est vraiment intéressant. On y va donc avec une nouveauté. Ça vient, en fait, la date de parution, c'est aujourd'hui, officiellement, de ce nouvel album. C'est l'album OAK. Alors, Oscillazioni Alchemico Creative. OAK. De l'Italie. C'est un projet italien. Il y a plein d'artistes invités, dont David Jackson, qui était dans Vandergraff, Richard Sinclair, qui était dans Camel et Caravan, surtout, et Sonia Cristina, qui était dans Curve There, qui est chanteuse de Curve There, qui chante sur une pièce. Il y a Derek Wilson, qui est dans The Goblin, et plusieurs invités là, sur cet album-là, Oak. Et on aura deux extraits de Oak ce soir. Ça aussi, il y a plein de styles qui sont explorés dans ça. Il y a des pièces qui sont chantées en italien, d'autres en anglais, d'autres une en allemand. Il y a plusieurs pièces instrumentales. Et c'est vraiment intéressant. Ça paraît officiellement aujourd'hui. cet album de Oak. L'album, le titre, c'est Giordano Bruno. Bruno, il me regarde, il est pas arrivé. Ouais, Giordano Bruno. Alors, on aura deux extraits de Giordano Bruno. On aura d'abord Cirque. On aura également Cellar Noise. Cellar Noise, vous savez qu'ils vont nous visiter bientôt au Québec. Moi, j'en reviens pas. J'adore cet album. Plus je l'écoute, plus je l'aime. A Light, paru en 2017, d'un jeune groupe italien qui faisait paraître leur premier album l'an dernier. Et cet album, c'est un concept sur les stations de métro à Londres. Alors, le nom des pièces, c'est le nom des stations de métro, la Underground Ride, finalement, après la Underground Ride, donc. On aura la pièce Temple ce soir. Et on aura également un autre extrait de Rome Project. Cette fois-là, c'est un hommage à Emerson, parce qu'il y a deux pièces hommage, une à Keith Emerson et l'autre à John Wetton. On écoutera l'hommage à Emerson avec Aere Perennius 2. De Rome Project. Et on débute avec donc cette nouveauté Oak de l'Italie. Apro le mani ma stringo polvere, profili d'ombra i tuoi occhi neri, vulcani liquidi persi tra i venti lassù. Dai tuoi segni, tu pagana Circe in silenzio sei, accendi il sole la mia identità, letto di paglia freddo e vuoto ormai. Anything in my hands. So it's the path that we were only passengers on earth. On earth. On earth. Anche chiare, ma la paura non mi abbandona mai, seguo l'incanto di pascoli lontani, il tuo richiamo è sinfonia per me. I'm

CKRL 89.1. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Écoute, gars. Écoute-moi bien, là. Le travail, ça soigne l'ennui. Puis ça éloigne les mauvaises pensées. Puis surtout, frère, surtout, ça donne des 30 sous. André Forcier, 50 ans de cinéma au Musée national des beaux-arts du Québec, dimanche le 18 février à 14h. Une projection du classique Au clair de la lune aura lieu à cette occasion et sera suivie d'une classe de maître donnée par André Forcier. Et de retour, vous avez pu constater, probablement reconnu, le son de David Jackson, qui est le célèbre saxophoniste de Van der Graaf Generator, dans plusieurs pièces du dernier bloc. Et ce qu'on a entendu, là, c'était de The Rome Project, un projet sur lequel il y a David Cross de King Crimson, David Jackson, donc de Van der Graaf, et Vincenzo Riccia, accompagné de Roberto Vitelli et Daniele Pomo au drum, de parfaits inconnus pour nous, mais quand même, il y a plusieurs musiciens connus et évidemment reliés au rock progressif des années 70 sur ce projet, The Rome Project volume 3. Et ça, c'était la pièce Aere Perennius volume 3, numéro 3. Juste avant, il y avait eu du groupe Oak. Oak, qui est Oscillazioni Alchemico Creative, Et c'était la pièce La Cena delle Beffe. Il y avait évidemment David Jackson aussi. Vous l'avez reconnu sur cette pièce-là. Il y avait juste avant Cellar Noise. Ça, c'est un groupe d'Italie qui va nous rendre visite au festival Terra Incognita. Ils vont être ici le dimanche, le 20 mai, au Centre d'art La Chapelle. Alors, Cellar Noise, il va y avoir également Aerostation avec Alex Carpani et Moon Safari de la Suède. Leur première visite au Canada. Ensuite, la veille, Wobbler de la Norvège, le superbe groupe Wobbler, également Circus du Québec et un autre groupe qui va être annoncé. Et le vendredi 18 mai, le vendredi soir, c'est un hommage à Emerson, Lake & Palmer. On parlait d'Emerson tantôt. Je pensais vous faire jouer la pièce en hommage à Emerson, mais c'est pas celle qui a joué. Et Emerson, Lake & Project, donc... Trio, un hommage à la tournée qui a été juste après Tarkus. Donc, c'est l'album Tarkus et c'est de très bonnes pièces du premier album. Des très belles tournées. Là. J'ai bien hâte d'entendre ça. Parlant de concerts, il y a le 30 mars prochain House de Montréal à la scène Le Bourgneuf avec Julien Vachon en première partie. Et c'est 20$ plus frais là, c'est une belle salle aussi, la salle à Seine de Bourgneuf, on est bien assis. C'était supposé être au Cercle là, mais puisque le Cercle a fermé, on a changé de salle. Ensuite le 15 avril au Centre d'art La Chapelle, Eden Song qu'on avait vu au Festival Terra Incognita en 2017 et qui avait fait un tabac si on veut. Les gens avaient beaucoup aimé, c'est très dynamique, un bon spectacle. Donc ça va être au Centre de la Chapelle le 15 avril. Il y a également ensuite au mois de mai Arena qui vient au Cégep Garneau le 26 mai. Le 9 juin il y a Marillion Script The Revisited avec le Mick Pointer Band. Aussi il y aura Threshold et il y aura également un spectacle de Neil Morse acoustique qui s'en vient. Alors tout ça acoustique, ça c'est à la salle Jean-Paul Tardy, Life and Time, c'est le 18 avril. Donc on y va en musique maintenant avec le groupe Gentle Knife que j'adore, tiré de leur second album. Ils sont de la Norvège. Il y a une chronique donc de leur album sur le site de CKRL, de Terra Incognita. Vous allez donc à Terra Incognita, tout d'un mot, .Québec, dans la chronique CD, et une belle chronique faite par Jean Roby. Et il y a plein d'informations sur notre site. D'ailleurs, si vous voulez voir les titres des pièces qu'on fait jouer, allez faire un tour sur www.terraincognita.québec, section radio. On y va donc avec Gentle Knife. Ça sera suivi de Kurki. C'est de la Finlande. Puis on fait un seul album en 2008. Un album, ça n'a même pas été disponible en CD. C'était seulement en téléchargement ou sur une espèce de plate vinyle. C'est l'album éponyme, Kurki. Et on aura une pièce de cet album. Et également, on aura White Willow. Leur plus récent album paru l'an dernier, Future Hopes. On y va tout de suite en musique avec Gentle Knife de la Norvège. Give precious childhood laughter. One sent out to shades of gray, forgotten.

C-K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Soit qu'on tue, soit que tu veux tuer des gens au Canada. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Ici, on se trouve au parc de l'Artillerie. Juste derrière moi se trouve la redoute du bourreau. C'est là que le bourreau habitait. Ben, le bâtiment n'est plus là, mais c'est à peu près dans ce coin-là. Le rappeur et historien Webster propose une visite guidée du Vieux-Québec dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. À la fin du 18e siècle, les parlementaires et les députés se rencontrent pour voir s'ils vont adopter une loi contraignant l'esclavage au Canada. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Alors, vous avez peut-être reconnu la pièce de Scorpions, Animal Magnetism. En tout cas, Bruno, lui, il l'a reconnu. C'était donc une reprise de cette pièce-là par le groupe White Willow de leur plus récent album Future Hopes. Et juste avant, il y avait eu Kyrki de la Finlande. C'est leur seul album, là. C'est jamais paru, en fait, en CD, là. Vous pouvez l'obtenir seulement en téléchargement ou sur... ça doit être très rare, là, en vinyle. Et c'était la pièce Kokaisen Man Laulut. Et juste avant, ben, on avait débuté en Norvège avec Gentle Knife, de leur plus récent album Gentle Knife 2, The Clock on Wound, et la pièce The Clock on Wound. On va y aller maintenant aux États-Unis. Justement, c'est un album qui est chroniqué là, dans le numéro 91 de Progressiste. Et il y a sur une des la compilation qui va avec, il y a une des pièces de cet album-là, Deluge Grandeur. Il y a également dans les compilations, on a ici M5. Il y a. Non, c'est Astrid and Rachel Grimes. Voilà. Mais on vous en fera jouer dans les prochaines émissions. Il y a Quantum Fante, il y a Soup, il y a Unreal City, Wobbler. Ensuite, il y a une compilation New Species aussi qui vient avec le magazine, là, numéro 91. This Winter Machine, Bubble Mat, Comedy of Errors, Fish on Friday, RPVL, Caribou et Mystery. Alors, il y a certainement des pièces qu'on vous présentera là, dans les prochaines émissions là, qui sont sur ces compilations qui viennent avec Progressiste. Il y a il y a tellement à lire dans ça. Il y a plein de chroniques de disques. Justement, Deluge Grandeur, moi, c'est un album que j'aime. Alors, je vais faire jouer une pièce, pas celle qui est sur la compilation. Mais c'est sur Oceanarium, leur plus récent album. Et ce sera la pièce, puis les titres des pièces sont très longues. A Numbered Rat, A High Ledge and A Maze of Horizons. Ça, c'est du groupe américain Deluge Grandeur. Ensuite, du Québec, Monseigneur Chrome, c'est un projet du compositeur Brian Mercier. Et c'est une pièce instrumentale. C'est la seule qui porte un titre en français, mais c'est instrumental. Tête sur le bio de Monseigneur Chrome, tiré de Project 2. C'est pas disponible en fait en CD. Là, j'ai la chance d'en avoir une copie, alors je vous en fais jouer. Donc, Monseigneur Chrome, et on débute, comme je le disais, avec Deluge Grandeur. Thank you.